Cannes Estival. Emmanuel Cairade. Nadia Gibert et Julien Bastide, bonsoir. Bonsoir. Alors, en cœur, bravo. Nadia, vous êtes directrice de la collection Saka chez Casterman. Julien, vous êtes journaliste spécialisé dans les mangas. Alors, la France est aujourd'hui le pays où il y a le plus de lecteurs de mangas après le Japon, hein, bien sûr. Comment est-ce que l'on peut expliquer cet engouement au point d'être numéro un mondial, Japon exclu, bien entendu? Julien. Mais il y a plusieurs raisons, hein, évidemment. Ça ne s'est pas fait en un jour. Pour moi, la raison principale, hein, c'est que le manga a pris la place de quelque chose qui n'existait pas ou qui n'existait plus en Europe ou en France, du moins. C'est que le manga, c'est une nouvelle littérature populaire. C'est-à-dire que ce sont des bouquins bon marché, c'est du feuilleton, hein, comme les romans feuilletons du 19e siècle. Donc c'est un livre qu'on paye pas très cher, qu'on va pouvoir retrouver tous les mois ou tous les deux mois. Et c'est une histoire à suivre qui nous entraîne comme ça. Il y a peut-être une autre raison qui est liée à la tranche d'âge. Ceux qui font le succès du manga en France sont les adolescents, principalement. Et le fait est qu'au Japon, il y a une bande dessinée qui est créée spécialement pour les adolescents. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le shonen manga, c'est-à-dire la bande dessinée pour ados. Ce sont donc des bandes dessinées qui mettent en scène des adolescents, avec des désirs d'adolescents, des fantasmes d'adolescents, avec leurs amis, ils vivent toutes sortes d'aventures, etc. Donc les lecteurs vont pouvoir s'identifier à ces personnages-là. Et ce sont des mangas aussi, ça? Ce sont des mangas. Un peu comme celui que j'ai sur la table, Love Story, en fait. Alors ça, c'est un petit peu autre chose. C'est un petit peu autre chose. Un petit peu plus sexuel. Ça, c'est destiné à un public un petit peu plus vieux. Par exemple, hein, ce qu'il faut, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que au Japon, la bande dessinée s'adresse à différents publics. C'est très segmenté. Il y a les bandes dessinées pour adolescents, les bandes dessinées pour enfants, les bandes dessinées pour adultes, les bandes dessinées pour femmes, les bandes dessinées pour hommes. Chaque public a sa bande dessinée. Il y a même des bandes dessinées pour les retraités maintenant. Il y a des bandes dessinées pour les employés de bureau. Il y a des bandes dessinées pour les femmes au foyer. Des bandes dessinées pour tout le monde. Donc en fait, le manga répond aussi à une demande. Sociologiquement, on pourrait expliquer cela. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a une véritable demande, et on pourrait aussi comparer. Vous faisiez une comparaison tout à l'heure avec les romans. À la collection Harlequin, en fait, si vous voulez, rose, oui, un peu jetable. Si vous voulez, oui, je pense que ce qu'on appelle les shoujo mangas, c'est-à-dire les mangas pour adolescentes, ça peut être tout à fait comparé au roman Harlequin. Si ce n'est que je ne connais pas la collection Harlequin, donc je ne veux pas préjuger de la qualité des œuvres de la collection Harlequin, si ce n'est que dans les shoujo mangas, dans les bandes dessinées pour adolescentes, il y a des chefs-d'œuvre. Oui, mais dans la collection Harlequin, je crois qu'ils assument, hein, le fait que ce ne soit pas des chefs-d'œuvre, loin d'accord. De là. Nadia Gibert, est-ce qu'on peut parler de mode et de tendance quand on parle de manga, ou c'est une culture qui s'est installée, une vraie culture contemporaine? Je pense que maintenant on peut vraiment parler de vraiment un phénomène manga à part entière, puisque pendant longtemps on a dit oui c'est une mode qui va passer, et puis ben, finalement les années ont passé, mais la mode est toujours là. Donc là maintenant je pense qu'il y a vraiment un engouement pour la culture asiatique au sens large du terme, et particulièrement sur la culture nippone, par le biais des films. Regardez les films d'animation, le succès que le Château ambulant a eu, les films d'Ozu, il y en a encore un qui passe à Paris en ce moment, il y a une queue pas possible. Il y a vraiment beaucoup de choses autour de la culture nippone en ce moment, à Paris bien évidemment, mais en France particulièrement, qui fait que le manga en bénéficie, évidemment, mais c'est vraiment un engouement à part entière. Alors le marché représente trois fois le chiffre d'affaires en France, hein, en tout cas trois fois le chiffre d'affaires des livres d'art, des livres de droit, de sciences sociales ou d'économie. Il y a 500 nouveautés par an, 7000 au Japon, hein, on est encore loin du compte, et 30% du chiffre d'affaires de la BD en France, eh bien c'est du manga. Est-ce que cela va continuer à progresser selon vous, Julien? Quand je citais les chiffres, ça vous faisait sourire. Non, c'est vrai. Vous avez les bons chiffres, c'est vrai, c'est exactement ça. Le manga, en quelques années, s'est imposé sans partage dans le marché de la bande dessinée française. Une bande dessinée en France qui se vend sur trois est traduite du japonais. Alors c'est une vraie culture, hein, effectivement, avec des règles. Par exemple, il y a un sens de lecture inversé par rapport au nôtre. Souvent, en tout cas, chez Casterman, je sais que vous essayez de faire des mangas qui sont, plus dans ce qu'on retrouve de classique dans la bande dessinée. C'est assez difficile de s'y habituer, hein, puisque tout est à l'envers, y compris les vignettes, hein, qu'on ne lit pas comme ça, comme on a l'habitude de les lire. Ils sont en noir et blanc, les dessins sont souvent approximatifs. On sent une volonté de produire, en fait, hein, de produire beaucoup, hein, Julien. C'est du feuilleton, comme les romans feuilletons. C'est-à-dire qu'en France, en général, un auteur va mettre 8 mois, 10 mois, 1 an pour produire un album de 45 pages. C'est un système qui s'est établi comme ça. L'auteur français va travailler son dessin énormément, va mettre en couleur son dessin. Donc c'est un travail qui tient plus de l'artisanat, si vous voulez. Au Japon, la bande dessinée, pour différentes raisons, on va peut-être pas rentrer dans le détail, mais la bande dessinée s'est embranchée sur une autre voie. Sur une voie effectivement de la productivité, sur une voie du feuilleton, c'est-à-dire que les auteurs doivent produire, pour beaucoup, 30 pages par semaine. Hein, toutes les semaines, ils produisent un nouveau chapitre de 30 pages. C'est de la bande dessinée à consommer rapidement, en fait. Hein, oui, tout à fait, parce qu'en fait, comme il y a un système de prépublication qui existe au Japon, que nous n'avons quasiment plus en France, que nous avons eu, mais que nous avons perdu, de fait, comme dit Julien, ils sont obligés de produire énormément, et non pas un album par an, mais beaucoup de pages par semaine pour pouvoir assurer les prépublications dans les magazines mensuels, hebdomadaires, etc. Donc il y a une forte demande sur le marché. Et au Japon, le manga fait complètement partie du mode de vie. Toute la société peut lire du manga. Et d'ailleurs, et donc tout est fait dans cette optique-là. À tel point que, quand on va là-bas dans le métro, il y a des pavés de revues toutes les semaines qui paraissent, dont un qui est le plus connu en Europe, Morning, parce qu'il a fait travailler des Européens. Les gens, ils le lisent entre deux stations de métro, ils ont une histoire, et puis à la fin de leur trajet, en gros, ils ont fini, ils le jettent, il y a des poubelles à manga, les gens, ils mettent leur manga dedans, le papier est recyclé, et repart la semaine d'après. Et là, le tirage d'une revue, ça va aller à 3 ou 4 millions. Frédéric Bosser, expert en bande dessinée dans les archives de France Inter. Nadia Gibert, effectivement, on parle de documents, enfin de livres qui se jettent. Hein, au Japon, on les jette à la sortie du métro. Vous avez choisi quand même avec votre collection chez Casterman de faire des ouvrages qui sont un peu plus élaborés et du coup qui coûtent plus cher, donc qui s'éloignent un peu de cette culture dont parlait Julien tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est plus du consommable. Hein, par exemple, Quartier lointain de Jiro Taniguchi. C'est bien ça. Qui a fait connaître... Vous prononcez très bien. Non, je sais que vous plaisantez, mais c'est pas grave. qui a fait connaître le manga en France, je crois. C'est un livre important, celui-ci. Oui, mais je vais revenir un petit peu sur Taniguchi, si vous voulez bien. En fait, il y a deux collections chez Casterman. Il y a cette collection qui est plutôt adaptée pour le roman graphique. Et là, il y a une adaptation dans le sens de lecture occidentale qui est faite. Mais ce n'est pas une collection qui est destinée uniquement au manga. C'est une collection internationale, enfin, que l'on voudrait internationale, dans laquelle, bien évidemment, nous avons un best-seller, même d'autres, mais en tout cas celui-là, avec Quartier lointain, qui était vraiment un énorme succès. Et à côté de ça, nous avons créé en 2004, fin d'année 2004, la collection Saka, qui était par contre vraiment prévue comme une collection de mangas à part entière, comme nos concurrents et collaborateurs l'ont fait déjà, à savoir dans le sens de lecture. Quand lié à l'envers, avec Jésus dans la main, japonais. Kekizen, par exemple, retour vers la mer. Et donc, du coup, le travail n'est pas du tout le même, puisque quand vous produisez un manga dans le sens de lecture japonais, vous n'inversez pas effectivement les cases, vous ne retravaillez pas de la même façon. Et on est aussi, comme disait Julien, dans un système de feuilletons, de longues séries bien souvent, et donc il faut pouvoir produire assez rapidement les livres, les traduire, les adapter, etc. Est-ce que la raison est uniquement économique, Julien Bastide, quand on a des ouvrages qui sont de mauvaise qualité, hein, on peut dire ça, avec du papier presque journal, recyclé, c'est purement économique ou c'est conforme à la production? En fait, la production impose cela. Vous parlez de quoi? Du succès des mangas? Non, de la qualité, en fait, des ouvrages. Si vous voulez, c'est une autre approche. D'abord, je voudrais juste une petite précision. Au Japon, effectivement, les ouvrages sont jetables, mais ce sont les ouvrages de prépublication qui sont jetables. Ensuite, les séries qui sont parues dans les ouvrages de prépublication paraissent en album, qui, eux, ne sont pas jetables, qui, eux, sont tout à fait semblables à ceux que vous avez dans les mains. Donc, voilà. Mais juste pour répondre à votre question... C'est une autre conception de la bande dessinée. C'est une conception où l'objet est moins important que le récit lui-même. Ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir lire l'histoire qu'on a envie de lire, peu importe la qualité du papier, et on n'a pas forcément envie d'avoir un bel objet à la maison.